Je crois que la haine a remplacé l'amour. Le sang coule en bas de la tour. Avec le gang, on a fait les 400 coups. On partait pour se battre en cours. Le sale est fait, maintenant nos voitures sont propres. Chantier du coq, je représente sans baisser le froc. Quand sonnera l'heure, on ira se relaxer. Mais pour l'instant, je continue de les tabasser. Après la guerre, rien à faire, je retourne sur mes terres. Pour niquer les keufs, de temps en temps, je baise une policière. Après le crime, je fume une clope, je repense à la scène. Je retourne à la tête, je brûle mes sables, je reprends les affaires. Dans le chin, au cas où cet enfoiré fait du karaté. Sur ma paire de gants, y'a du sang, de la street, j'ai pris mes copes. Ouais. Broly dans le gym, nos garous, cet enfoiré fait du karaté. Ouais, chez nous, c'est la fête, avec rien sans ambiance. Issu de la chingue, dans le 91. Joue pas la tismée, jamais. Tu couches sinon, Hubert. Encore un tube, sa mère. Oui, ça sent l'assassin. Voilà. C'est moi qui donne les ordres. Voilà. Toi, tu bats la ferme. Aristocratie dans le bendo, c'est la fête. Avant, c'était les machettes. Machettes. Maintenant, on manie la gâchette. Gâchette, les ennemis ont changé de cachette. Ah, numéro 1 dans le game, j'ai la recette. Avant, c'était la disette. Depuis que je les baise en brochette, maintenant, il pleut des pépettes. Y'a des impacts sur mon corps et des impacts sur ma berline. J'ai rêvé du disque d'or. Sur mon mur, j'ai mis du platine. Faire des milliers de livres sterling. Faut que j'entame une nouvelle page avant que le livre se termine. Prolique dans le chin, au cas où cet enfoiré fait du karaté. Sur ma paire de gants, y'a du sang, de la street, j'ai pris mes copes. Ouais. Prolique dans le chin, au cas où cet enfoiré fait du karaté. Ouais, chez nous, c'est la fête, avec rien sans ambiance. Issu de la chingue, dans le 91. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah, il est 22h03. On arrive dans la 25e. Jusqu'à minuit, 101.8 sur la bande FM Radio-Sud Besançon. Comme tous les jeudis depuis le mois de février, on est là. On est avec Jojo ce soir qui est venu présenter sa petite chronique. La petite chronique habituelle. Bonsoir à tous les auditeurs. Du deuxième jeudi du mois. Ça va ou quoi, Jojo ? Ça va et toi, mon gros ? Bah ouais, hein, normal. Hein. Un peu frisqué, mais tu connais. Ah, ça commence à cailler. On rentre dans les. Et encore, je trouve qu'il fait bon. Cet après-midi, il a fait bon. Et ce week-end, ils annoncent 22. On a de la chance. Et merci. Et ça, c'était le point météo de Jojo. Le point météo de la chronique pour bien démarrer. Bonsoir à tous les auditeurs. Bienvenue sur Radio Sud Besançon. Émission la 25e avec la petite chronique de Jojo, tous les deuxièmes jeudis du mois. Pendant 2 heures, donc ce soir, on s'est remis une petite soirée sélection, divers sons, divers artistes français et quelques artistes américains aussi, sur lesquels je suis passé cette semaine, que j'ai grave kiffé et qui font le job. Yes, j'en profite aussi avant que tu envoies ta sélection. On a Edinho qui est avec nous autour de la table. Bon, il est en train de manger, donc je le dérange totalement. Ça va, c'est léger. C'est léger. Bah, c'est léger, on est là. Et de l'autre côté de la table, juste en face, quelqu'un. Un ami caché. On a un ami qui s'est déplacé ce soir, merci caché. À lui. Qui aime bien boire. Ah, ça c'est un premier indice. Tout au long de la soirée, on a donné des indices. Le patron de Marula. Une cala, un tas. Et c'est déjà trop, frère. Commencé l'émission. Les gens m'ont déjà appelé. Ils m'ont déjà appelé, ils croyaient un jeu. Ils croient qu'ils vont gagner des que trucs. Donc ce soir, je suis de retour. Oui, je suis de retour. Nous n'avions pas inversé les rôles la semaine dernière. Malheureusement, je ne pouvais pas assister à l'émission. Théo Dezès et Jounès m'ont remplacé comme il se doit. Oh, ça ne devait pas être triste. Ah, ça, c'était assez sympa. J'ai réécouté l'émission. C'était assez drôle. Théo Dezès en animateur. Big up. On me dire qu'il y a des podcasts comme ça. Moi, je fais décembre pour les morceaux carrément. Là, c'était pas mal. C'était pas non, mal. Gros big up aux deux frérots. Yes. Ils sont en train de préparer un truc lourd, donc ils sont pas là ce soir. Grosse voilà. Valise, on dira rien non plus. C'est pas la valise d'RTL, mais c'est une grosse valise. Yes, donc ce soir, c'est la chronique de Jojo. On est le deuxième jeudi du mois. Pour ceux qui nous connaissent pas, le deuxième jeudi du mois est consacré à Jojo, alias Rizzo, pour ceux qui savent. Donc, alias Patrick pour les intimes. Alias Patrick pour les plus intimes. Qu'est-ce que tu nous as concocté ce soir, mon Jojo ? Ce soir, je me suis refait plaisir. J'ai fait une petite sélection rap français, rap carry. Donc, pareil, des frérots rap français que voilà quoi. On va passer ce soir divers sons. Des gens qui sont en train de préparer des albums, des gens qui sont pas en train de préparer des albums mais qui tuent. Et puis une petite sélection carry. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que j'envoie direct ? Est-ce que là, je vois déjà le premier morceau, Sablier ? Ah bah là, c'est le petit coup de cœur justement de l'émission de la chronique à Jojo. Il y a deux petits coups de cœur qu'on s'était passé à la reprise, retour des vacances. Il y a le frérot Fizzy Pizzy avec le morceau Sablier, extrait de son album Petit Yo, en préparation, qui va pas tarder à éclore. Et il y a Tuple Tweet. Donc, produit par Just Listen Music Beat. Et puis, on va s'écouter tout ça tranquillement. Donc, on va commencer calmement par le frérot Fizzy. Calmement ! Que les gens ont déjà entendu la dernière fois. Le morceau a été passé la dernière fois. Était bien apprécié d'ailleurs. Gros big up à lui. Gros big up à Morne Rouge. Gros big up à l'indice. C'est Boboche. C'est parti, Fizzy Pizzy Sablier. Yes. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. J'étais jeune, chaud, bouillant, plein l'idée en brouillon. Rien qu'un jeune couillon, des gaines de souillon. Je marche en me dandinant, j'ai jamais voulu être grand. On voulait juste kick et taper des foot. On perd des potes en route, entre ceux qui partent et ceux qui veulent monter des coups. Qui te dit que je rappe plus, petit yo est très têtu. Et j'ai un ref qui fait des bêtes d'instru. Désolé de faire du boum boum, tag et piano. Je suis un pierrot, la plume, touche à la mif et je t'allume. Quoi de plus simple, j'aime l'amour depuis que j'ai vu Titi enceinte. J'ai la gueule de partout, bon gendre avec un peu de voix. Je passe du calme à chien fou, pas le time d'être jaloux. La vie m'en met plein les yeux. Pour avoir la paix, faut réunir tous les dieux. Pour compter les proches, pas besoin d'être matheux. Le bonheur, c'est là où y'a la queue. Faut être patient, un bon fils, c'est pas que les papes pour maman. Le sablier, c'est cool et je veux monter au-dessus de la dune. Au dernier grain de sable, je ferai un clin d'œil à la lune. Je cavale pour après l'aiguille, elle me poussera au prochain tour. Même si t'es comme l'hiver, on n'attend pas ton retour. Le sablier, c'est cool et je veux monter au-dessus de la dune. Au dernier grain de sable, je ferai un clin d'œil à la lune. Je cavale pas après l'aiguille, elle me poussera au prochain tour. Même si t'es comme l'hiver, on attend pas ton retour. Les petits font que choix, c'est plus moi qui font le choix. Le flow de Don Juan avec la voix du rat, c'est ce qu'on visait. C'est des nuques, pas des vitrines qu'on brisait. Une manif, ça mange pas de brioche, on nous apprend la vie d'une biatch. On nous fait croire que c'est plus comme as. Une qui s'en va, t'auras dit connasse. Dès la maternelle, on taffe les collages. La vie c'est Mario Kart, faut une carapace et faire des dérapages. T'auras rien sans prendre des risques. Trouve ça dingue, je sors des disques. T'achètes pas et tu me demandes c'est quand le prochain. L'envie de faire un film ou d'écrire un bouquin. Est-ce que j'aurai le temps? J'attends pas de plan, c'est tout maintenant. Avant qu'un doc ne retourne le sablier. Et qu'un homme de foi me demande si j'ai bien prié. De toute façon, je voulais pas qu'une infirmière me donne de la purée à la petite cuillère.

et c'est pas encore fini. On n'a pas les mêmes références. Tu me dis soprano, je pense à James Gandolfini. Dans ce milieu de rapace, je suis l'élite de ma classe. Je donne des leçons, ce sera enseignant si tu veux ma place. Cherche pas le contact, évite de la casse. J'ai shooté plus de rappeurs que David de la place. Leur musique mérite même pas d'être piratée. Jouer un rôle, ça fait que miroiter une vie ratée. Ils devraient ni se montrer, ni rapper. Ils étaient mieux ni avant, ni après. Ils gagneront ni la guerre, ni la paix, perso. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Bah, la puff quoi. Ah, la puff, comme d'hab. Ça se roule comme un blunt. Ça s'écoute comme un putain de blunt. Kiss. Ah. C'était Just Music Beats, Triple Threat. Il prend lourd. A, comme d'habitude, gros big up pour frérot. Sur le morceau, il y a Ron Bryce. Il y a Ron Bryce, il y a Perso et Zulu. Yes. Voilà, les kickers de base sur une prod de Jimmy Rocus. Yes. Et qui est Big Buddha. Ok, ok, ok. Écoute, là, je suis en train de regarder un peu la suite. Ouais. Je regarde. Mais je n'ai pas la 3. J'ai la 4 directement. Ça, t'es sur la 3 ? Ouais, ouais. Bon, bah c'est pas très grave. Tant pis. Big up à tous les auditeurs qui nous suivent de plus en plus nombreux chaque semaine. On passe à la deuxième saison de l'émission La 25ème. Dédicace à vous, on voit bien que ça monte petit à petit, qu'il y a de plus en plus d'écoute dans toute la France et ça fait grave plaisir. Merci à tous ceux qui ont fait des retours sur l'émission de la dernière fois. Vous étiez assez satisfaits. Big up à tous ceux qui ont eu leur son et qui ont lâché un big up en retour. Et voilà, petit à petit, on monte de plus en plus et on tend à monter encore plus. Donc, gros big up à vous. Merci à tous les auditeurs qui sont derrière leur écoute, peu importe dans leur vago, chez eux, au taf, qui nous écoutent tous les jeudis soirs. Émission La 25ème avec le deuxième jeudi du mois, la petite chronique à Jojo. Merci à tous. Yes, je rebondis sur ce que tu dis pour ceux qui veulent nous suivre sur Instagram. C'est Émission La 25ème, tout attaché. Ceux qui nous ont déjà contactés et ceux qui ne nous ont pas encore contactés, n'hésitez pas. On est là, c'est nous qui gérons nos réseaux, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez retrouver aussi, on a une chaîne YouTube. Vous tapez émission La 25ème, vous allez nous retrouver. Vous verrez, il y a des petites sessions freestyle. Voilà, on essaye un peu d'amener de la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Yes, abonnez-vous. On fait tout maison, on fait tout comme on peut. Voilà. On n'est pas professionnel, voilà, mais ça nous fait plaisir d'être avec vous à chaque fois. Yes. Donc, merci à ceux qui sont déjà abonnés et n'hésitez pas à nous contacter, il n'y a pas de problème. Si jamais, un soir comme ça, un jeudi soir, vous êtes en ville, vous avez envie de passer nous voir, vous passez nous voir. On est au 43 rue d'Arène, Radio Sud. Vous nous retrouvez, il n'y a pas de souci, vous entrez, la porte est ouverte à tout le monde, il n'y a pas de souci. Et merci à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins de la France, parce que je sais qu'il y a des écoutes qui sont vraiment un peu partout. On passe par Paris, on descend dans le sud, on passe par le sud-ouest, on passe par le nord-ouest, l'est, enfin voilà. Merci à tous ceux qui sont derrière à chaque fois, chaque écoute, peu importe, que ce soit au taf, que ce soit dans la voiture, que ce soit chez eux. Voilà, merci beaucoup, gros big up à vous. Yes. Alors, qu'est-ce que tu nous as sélectionné ? On va continuer calmement avec, je pense, le track numéro 4. Donc, ça sera Zikri, si je ne me trompe pas, c'est faire ça. Les choses bien. C'est ça, exact. Le poteau Zikri, gros big up à lui. C'est le poteau, il taffe dans l'ombre. Et bon, il sort les trucs. Pour moi, il n'est pas assez mis en avant par rapport à la qualité de taf qu'il fait. Donc gros big up à lui, donc on va enchaîner tout de suite avec Zikri, faire les choses bien. Yes. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Poto, je m'en bats les reins. Ils ont voulu me faire croire que je valais rien. Je les connais, j'arrive plus à les plaindre. Je me sens différent, je me sens pas terrien. Manipule pour arriver à tes fins. Je sais pas si je mérite, si je suis assez bien. Faut que je trouve la sortie, que je fasse bien les gains. Assise plein de salivelle, mais pas les mains. Zedika, Zedika, je bouge pas d'un poil. Je me prends pour un portier ou pour un moine. Un peu fauché, j'ai pas la foi. Vous y vos idées, je suis un rabat-joie. Reste auprès de ceux avec qui je me sens bien. Pas de feu ne déségorger des sanguins. Tête la feu me vient, je la tire comme un chien. Je suis un nœud, je dépanne le nœud, j'ose. Anciens, ils comprendront jamais. J'suis défait, j'ai avalé des arêtes. J'connais la rue, les démons. Continue tes mots, bouffon, j'sais où ça mène. Paranoïaque, jamais serein. Croque des seufs comme des meringues. Fais les euros, fais les demain. Flow élégant comme un violin. Fais les choses bien. Fais les choses carré. J'ai un gang-pain. Si ça vient, j'suis préparé. On se maintient. On fait, allez. On se maintient, on fait, allez. J'fais les choses bien, fais les choses carré. J'ai un gang-pain, si ça vient j'suis préparé. On se maintient, on fait, allez. On se maintient, on fait, allez. Tu sais que j'ai mon possible. J'suis seul tout, j'ai pas de possé. J'suis devenu mauvais, j'suis nocif. Si j'en suis là, c'est moi le fautif. Pédale succulent royal. J'picole, j'suis au bord de la noyade. Fais ton truc avec tes moyens. Doyen m'imite pas, j'ai un flow incroyable. J'mets des états d'âme sur papier. J'm'emporte, j'mets ma table sur le palier. De gros soucis dans le panier. J'te connais, t'entends les reproches d'un panier. Faut mailler, mailler en premier temps. J'l'ai fait mouiller dans le V-champ. Regarde bleu tes chinois bleu pétant. J'me détends dans un lieu stressant. J'sais pas de yaourt avant de Zepo. Transpire quand il fait froid, qu'il fait chaud. Dans l'excès de libido, je vais la voir chez elle quand elle finit tôt. C'est crazy, je suis que d'un au micro. Je vais cogner, tu perds à les frais d'hôpitaux. Je connais les vrais, les mythos. Ceux qui veulent finir incognito. Fais les choses bien, fais les choses carré. J'ai un gang-pain, si ça vient, je suis préparé. On se maintient, on fait, allez. On se maintient, on fait, allez. Fais les choses bien, fais les choses carré. J'ai un gang-pain, si ça vient, je suis préparé. On se maintient, on fait, allez. On se maintient, on fait, allez. Zedika, Zedika, Zedika, Zedika, Zedika, Zedika. Ah, wah, wah, wah. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah. Toujours dans la 25e ce soir jusqu'à minuit. C'est l'émission spéciale Jojo. La chronique de Jojo ce soir, comme tous les deuxièmes jeudis du mois. On voulait en profiter. Pour passer une petite annonce. Alors vas-y, je te laisse annoncer ça. Je le partage avec toi. Non, il y a une grosse soirée bientôt sur Besançon qui se prépare au tandem. Ça sera DJ Masta et DJ Wasta le... Rappelle-moi... La semaine prochaine. Donc la semaine 17. Prochaine, jeudi prochain. Yes. Grosse soirée au tandem. Il y aura DJ Masta et DJ Wasta qui vont vous faire kiffer de... À partir de 21h. Hein, de 21h jusqu'à quelle heure? Je sais même pas, je pense que la fermeture, ça doit être... Une heure ou deux heures. Non, le jeudi, c'est une heure, je crois. Je pense que ouais, c'est ouais, ça. C'est une heure le jeudi. Donc pour ceux qui ne situent pas les Byzantins et ceux qui ne sont même pas Byzantins, vous traversez le pont battant en direction du centre-ville, vous tournez sur votre droite, sur les quais, et vous avancez un petit peu sur les quais, vous arriverez au tandem. Donc grosse ambiance hip-hop, c'est assuré, garantie, c'est qualité directement. Gros big up à mes frérots DJ Masta et mon Wastux Wasta qui vont faire le taf. n'ayez pas peur. Si vous êtes étudiant, allez-y, ça va être lourd. Vous allez kiffer de ouf, allez blinder ça, parce que franchement, c'est du mix comme il n'y en a plus. Et j'en profite aussi, du coup, pour faire la petite annonce pour jeudi prochain. Jeudi prochain, comme tous les 3e et 4e jeudi de chaque mois, c'est l'invité. Donc, l'invité de la semaine prochaine, ce sera le magasin de sap Molly, qui viendra nous rendre visite dans l'émission, parler un peu de leur délire. Donc, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas le magasin se situe rue Berceau à Besançon, tout au bout de la rue Berceau. C'est un magasin un peu streetwear, un peu dans les délires de skate et tout ça. J'ai décidé avec mes compères de l'inviter. Parce que oui, la culture urbaine, c'est aussi la sape, et beaucoup la sape. Tout à fait. Donc à Besançon, on a Molly. S'il y avait encore Urban Street dans la rue d'Arène, je l'aurais invité. Mais gros big up à Karim. Il n'est plus là depuis quelques années. Depuis un moment déjà, mais gros big up à lui. Mais voilà, en tout cas, Molly, la semaine prochaine, invité dans l'émission La 25e de 22h à minuit. Revenons à la chronique de Jojo. Dis-moi tout. On va s'enchaîner un petit son tranquillement d'un grand frère, Cécen du 18e arrondissement. Gros big up à lui, c'est un grand frère, il est là depuis un moment. Son album est sorti depuis un moment aussi, mais c'est toujours de la qualité, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Donc on va s'enchaîner directement le bail avec Cécen et le morceau c'est classe. Yes, la 25e. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao. Jounès, 22h minuit. Crac Radio Sud.net 101.8. Classe, je suis pas immature, ma jeunesse n'est pas morte, y'a du béton dans ma nature, je suis à Paris, frappe à la porte. Classe. L'argent a une odeur, même sale elle n'est pas forte. Classe, je prends de la hauteur, vole au-dessus d'un nid de cloporte. Je suis pas immature, ma jeunesse n'est pas morte, y'a du parpaing dans ma nature, je pars de Paris, je cours à la corde. Classe. L'argent a une odeur, même sale elle n'est pas forte. Classe, je prends de la hauteur, vole au-dessus d'un nid de cloporte. Je rafistole ma vie, mieux qu'une vieille caisse de Cuba. De la verte, du gras, de la fumée dans le tuba. Personne ne connaît ma ville mieux que ma paire de pumas. Ma plume se sent légère, mieux ma rime a pris du poids. Le pouce, le majeur, les poings, ne jamais montrer du doigt. Le monde point zéro, tu y crois ce que tu vois. Tu vas tomber de haut, tu vas chuter du toit. Tu crois que t'as le sang chaud, est-ce que t'en as du froid. Dur dur de glace, c'est le mien, il s'apparente à la vodka, le bédo et l'eau à la boca. La fame, je laisse passer le train de ses injures, de son venin, de sa sincérité d'avocat. Sont partout comme la coca, mais je les sens venir de loin. La vérité, je suis sur le chemin, avec mon jaune sourire serein. Hier, je suis né en chialant, je suis mort de rire demain. Un 8, la ville m'a fait chanter tous ces refrains que je retiens. Ces scènes à la bombe argentée, si je suis refait, non, je suis repeint. Classe, je suis pas immature, ma jeunesse n'est pas morte. Y'a du béton dans ma nature, je suis à Paris, frappe à la porte. Classe, l'argent a une odeur, même sale, elle n'est pas forte. Classe, je prends de la hauteur, vole au-dessus d'un nid de cloporte. Je suis pas immature, ma jeunesse n'est pas morte. Y'a du parpaing dans ma nature, je pars de Paris, je cours à la corde. Classe, l'argent a une odeur, même sale, elle n'est pas forte. Classe, je prends de la hauteur, vole au-dessus d'un nid de cloporte. Je vise pas l'auditeur. Je t'écris plus comme un pote. Ça rentre par un speaker et ça doit ressortir par l'autre. Les politiques sont des stickers collés sur nos jambes de bois. Sacré 18 sont tout petit cœur. Ces schlags qui te tendent le bras. Jette l'œil au milieu de 10 fleurs. Canette sans que cra. Mon réveil, un plan cul crade entre sirène et marteau piqueur. Et hier j'ai reçu la vérité. Je change de drap, elle est moins belle la réalité. Sans son tissu de mensonge, cette petite pute rançon. Je vais m'y reprendre deux fois. Va falloir plus d'un vocodeur pour que je change de voix. Les hôtesses comme les dealers discutent le bout de gras. Vente de là, mort de soi, bicrave là, mort le soir. J'en ai marre de ça, je veux la mer, le sable. Bien sûr qu'on manque de choix. En bas les réfugiés manquent de tout, de leurs chers étendent de toi. Ils frissonnent, ils rentrent le coup, ils en ont rien à foutre de quoi. Tu choisis les bombes ou le froid. Trace, je suis pas immature, ma jeunesse n'est pas morte. Y'a du béton dans ma nature, je suis à Paris, frappe à la porte. Trace, l'argent a une odeur, même sale elle n'est pas forte. Trace, je prends de la hauteur, vole au-dessus d'un nid de cloporte. Je suis pas immature, ma jeunesse n'est pas morte. Y'a du parpaing dans ma nature, je pars de Paris, je cours à la corde. Trace, l'argent a une odeur, même sale elle n'est pas forte. Trace, je prends de la hauteur, vole au-dessus d'un nid de cloporte. On sait. s'aime pas en spécial, le sachet de fleurs est livré. Remets-moi la même chose, mon carnet de verre est vidé. Le cœur sur l'échafaud, même si la sueur est givrée. J'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai eu peur, mais j'y vais. On s'aime pas en spécial, le sachet de fleurs est livré. Remets-moi la même chose, mon carnet de verre est vidé. Le cœur sur l'échafaud, même si la sueur est givrée. J'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai eu peur, mais j'y vais. On s'aime pas en spécial, le sachet de fleurs est livré. Remets-moi la même chose, mon carnet de verre est vidé. Le cœur sur l'échafaud, même si la sueur est givrée. J'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai eu peur, mais j'y vais. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Aïe. Donc gros big up au frérot CSN, c'était le morceau classe, t'avais donc CSN, c'est un ancien, il est là depuis longtemps, il est dans un style, et pourtant il arrive toujours à relancer le style sans suivre la tendance, c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il va te sortir un son qui est totalement actuel, mais sans pour autant suivre la tendance, tu vois, c'est quand même un mec, je m'en rappelle à l'époque, pour prendre CSN, pour que les gens voient à peu près, bon, il y a beaucoup de gens qui voient forcément qui c'est, mais je veux dire en termes de bail, c'est quand même un mec, à l'époque, il y a 15-20 piges de ça, sur Génération, il a tapé une impro pendant 15 minutes. Et c'est pas, tu sais, les mecs qui partent en impro, gros, ils te chantent dans l'oreille, au bout de 5 minutes, t'es saoulé parce que le boug, il dit n'importe quoi, tu vois. Ouais. Le mec, pendant un quart d'heure, il a tapé une impro sur Génération, c'est un truc de ouf, avec que du mot, que du, tu vois ce que je veux dire. Donc gros big up à lui, grosse pensée au frérot CSN. Gros, pensez au Beat Street, c'est-à-dire le frérot Darcy et Dino. Dédicace à qui le bis, tous les frères du 18e, tous les frères du 7793, que ça soit Medec, que ça soit Despi Gonzalez, que ça soit Babali Show, à souhait, un big à souhait à toutes les équipes sur Paname, tous les frérots, Amouel Ben, et voilà. Yes. Et d'ailleurs, d'ailleurs, je crois que j'en ai croisé 2-3 au festival Plan B. Ah oui, oui, moi on était en. Tous ces mecs-là. La grande famille d'Elben. La grande famille d'Elben. On est éparpillés sur toute la France, voire même l'Europe, voire même le monde, parce que t'as d'Elben en Thaïlande, t'as d'Elben dans le sud, t'as d'Elben en Yougoslavie, t'as d'Elben. Franchement, tu vois, Elben, c'est un peu comme la Mara, sauf qu'on fait pas dans le meurtre, on fait dans le graphe, la musique. Et bon, dans la castagne un peu, s'il y a du skin qui se présente, on va pas mentir. Donc voilà, mes gros big up à l'équipe, gros big up au frérot. Yes, la chronique de Jojo ce soir jusqu'à minuit, grosse sélection de sons, pour ceux qui savent pas, c'est gros son français, gros son Quinry. La Jojo Selecta, le Quinry va arriver la après, on va passer par le français, on va faire le Quinry après. Gros big up à tout le monde, tous ceux qui sont derrière à l'écoute là ce soir. Et on va enchaîner, donc là c'est un petit plaisir, hein, même un gros plaisir que je me suis fait. Dédicace à mes frérots de l'usine avec un putain de Z. Donc là on va passer le frérot Souffrance, le morceau Customers. Et en passant en même temps, donc gros big up à toute l'équipe de l'usine, tout en sachant que l'album est en préparation, voire même vers la fin de préparation. Donc, le titre, c'est « Jusqu'à la vie ». Donc, ça sera le nouvel album de l'usine qui sera bientôt dispo. Et gros big up à mes frérots, Tony Toxic, Senza, ainsi que Tonio le Vaqueso. Et gros big up à eux. Donc là, on va enchaîner avec Souffrance, Customers. Yes. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. L'usine. Wesh, les refs, les brosses, les gens bien, les hustlers. Les big graveurs harcelés par la customers. Représente les cassos, Ben Maker à la 2 Pro. On vient reprendre la ville comme un Hidalgo. À 10 sur un radeau, tu kiffes comment je manie l'argot. Odeur de shit du riff qui sort de dessous le capot. Quand ma voix sur le tempo répercute, les MCs écoutent le niveau, se demandent comment j'écris genre de trucs. Faudrait peut-être un peu de douceur dans ce monde de brutes. Le get ghetto, c'est juste un peu de couleur dans ce monde de pute. Carabine et vintage sur un beat par la île des X-Men. Mais Scar la vise les hitchiennes, je lâche une rime, la file saigne. Perforé de mille glaives, j'arrivais les petites vieilles. Mais ta gueule et celle le crime paye. Cigarettes aux fines herbes ont remplacé les kinder. Jugé sur l'épiderme, on vient viscère les hipsters. Chacune de mes rimes fuse. Missile Stinger, souffrance, l'usine. Le beau mal est dans le grinder. Wesh les refs, les russes, les gens bien, les hustlers. Les big graveurs harcelés par leurs customers. J'rappe des trucs immortels à la Highlander. On veut la maille à la Heisenberg. Wesh les refs, les russes, les gens bien, les hustlers. Les big raveurs harcelés par leurs customers. J'rappe des trucs immortels à la Highlander. On veut la maille à la Heisenberg. J'kick à la nique, lève mon verre à la vie. Ferme la bitch, laisse-nous faire de la zik. Chanter les airs de la street, dites à toutes ces suceuses qu'il y a des éclairs qui sortent de ma bite. Que chaque journée de merde régénère ma rime. Avant de fourrer le rap, faut j'enfile 20 préservatifs. Je me lève avec un gramme de beurre dans mon spliff. M'en bats les couilles de ses pères, je veux juste me faire un kiff. J'ai besoin d'air, c'est impératif. Laser mis ma percée de manière un peu rapide. Un pour la mif, deux pour la rime. Même si ça fait 10 piges qu'on s'est pas croisé dans la ville. Mon amitié n'est pas volatile. J'ai fini de kicker quand j'ai vomi ma bile. Wesh les refs, les russes, les gens bien, les hustlers. Les big graveurs harcelés par leurs customers. Wesh les refs, les russes, les gens bien, les hustlers. Les big graveurs harcelés par leurs customers. J'rappe des trucs immortels à la Highlander. On veut la maille à la Heisenberg. J'rappe des trucs immortels à la Highlander. On veut la maille à la Heisenberg. J'suis pas un G-Under. Fume la taille devant les Rick Hunter. Nique le travail à 7,80 de l'heure. J'ai fait deux concerts en un an, quoi. J'ai fait deux concerts en un an, quoi. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Ouais, ça c'était le direct en fait. Mes doigts ont cliqué. Y'a pas de soucis, en tout cas, gros big up aux frérots Souffrance et aux frérots de l'usine qui sont en préparation donc de l'album Jusqu'à la vie. Préparez-vous à une gifle monumentale. Pour tous ceux qui voudraient aller écouter déjà le taf de l'usine, s'ils ne connaissent pas, ce qui m'étonnerait, allez rejoindre la page de l'usine. Ils sont partout, ils sont sur Facebook, ils sont sur Insta, ils ont leur bail. Et n'hésitez pas à aller écouter le taf. Il y a gros big up aussi à Senza qu'on va passer tout à l'heure, qui est en préparation de son nouvel album Retour au Temple, qu'on passera aussi tout à l'heure. Et voilà, gros big up au ref de l'usine. Je sais que Tony est à l'écoute, donc gros big up à toi mon ref, gros big up à vous, vous savez. Yes, dans les big up, Jojo, moi je voulais faire un petit big up aussi à un gars à moi, donc j'en profite. Je me faufile dans ta playlist. Ta famille et ma famille. Yes, et ben justement, c'est le MKS, c'est le Mekong Soul. J'ai mon poteau, mon ninja du 9-3 de Viltaneuse. Ah, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Mon gars Bang Bang là, il a décidé de revenir avec un clip dans pas longtemps. Et ça nous fait bien plaisir. Donc là, il a clippé là, Vilta, tout ça dans sa cité. Ici. Et en fait, il va envoyer le clip. Le clip, ça va être Nakleng. Ouais. Tu vois, et je voulais lui faire un petit big up. Tu vois, parce que je sais. Un gros big up même, super gros big up. Je sais que le gars, il est là. C'est un vrai. Il a la dalle. Il a gros la dalle. Gros big up et gros big up à donc, tout le MKS. Gros big up. À Bang Bang, à gros big up à mes gars du MKS, Schneu, Akoni, Bang. Donc c'est le 9-3, c'est Viltaneuse, c'est Nakleng. Le son est disponible sur YouTube et le clip est bientôt disponible. Donc je diffuse ça et on revient direct à ta chronique. Ah. J'en dans la tête et c'est parti. J'ai 2-3 couplets en stock pour me faire. Quand je prends le micro, c'est pour tout baiser. Tu sens la tête passer à mon crescendo. Tu sens que j'ai la baraque, tu sens les flots. Si t'as plus d'as, plus d'as, t'as fait mes flots. Azulé sur l'instru, j'ai pas fini. Apprends ta leçon, écoute bien quand je kick. Tu sens qu'il y a un truc là, tu tends l'oreille. X de bœuf revient pour les chicoter. C'est deux, c'est chicot, on va tout niquer. Chacun, c'est là, je vois jusqu'à la merde. Chacun, je te pardonne pas si t'as merdé. J'oublie pas, j'arrive pas sur un fini. Tu vas te faire enculer. T'as pas cru en moi, tu t'en visais. T'as pas cru en moi, miser sur ma main, je dois tout plier. Ramène la coque, je vais les bousiller. Ramène la coque, je vais les bousiller. Roula, là, je suis dans le Banks. J'suis dans le Banks. Roula, roula, là, roula. J'suis dans le Banks avec mes nakings. J'suis dans le Banks avec tous mes skanks. J'suis dans le Banks avec mes nakings. J'suis dans le Banks avec tous mes skanks. C'est net 3-4-0 Viltanus. Quand tu me sers la marge, j'en ai dans les yeux. On a un petit souci là, on a un petit souci. Je vais pull up ça direct. Écoute bien quand je kick, je sens qu'il y a un truc là, tu tends l'oreille. X de bœuf revient pour les chicoter. C'est tous ces chicots et tout niqué. Chacun c'est l'ange, je vois jusqu'à la marté. Chacun je te pardonne pas, c'est ta merde. J'oublie pas, j'arrive pas sur un culé. Tu faisais que les pédés va te faire enculer. T'as pas cru en moi, tu sens visé. T'as pas cru en moi, tu sens visé. J'ai misé sur ma meuf, je dois tout plier. Ramène la coque, je vais les bousiller. Ramène la coque, je vais les bousiller. J'suis dans le Banks, là. J'suis dans le Banks, là. Roule la terre, là. Roule la terre, là. J'suis dans le Banks, là. J'suis dans le Banks. Roula, le Banks avec mes nakings. J'suis dans le Banks avec tous mes skanks. J'suis dans le Banks avec mes nakings. J'suis dans le Banks avec tous mes skanks. C'est net 3-4-0 Viltanus. Quand tu me sers la marge, main dans les yeux. Ils viendront péper si je fais le buzz. Moi je te ferai des signes pour que tu me vois. Là je suis pas content, j'ai baptisé. C'est pas la peine de venir sympathiser. J'ai trop galéré, j'ai trop pas chanté. J'suis mis à l'écart, gros, j'suis boycotté. Et j'tourneront comme les keufs à côté. Nous fais pas confiance, on va t'escroquer. On défonce ta part, on va pas toquer. Juste un regard pour te faire paniquer. Alors tu te casses pour pas te faire niquer. C'est que le début, je vais les fatiguer. Va les prévenir, chacun la suprême. J'suis dans le Roule, là, j'suis dans le Banks, là. J'suis dans le Banks. Roule, là, roule, là. J'suis dans le Banks, là. J'suis dans le Banks, là. Roule, là. J'suis dans le Banks, là. J'suis dans le Banks. Roule, là. J'suis dans le Banks avec mes nakings. J'suis dans le Banks avec tous mes skanks. J'suis dans le Banks avec mes nakings. J'suis dans le Banks avec tous mes skanks. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, la 25e, il est 22h43. On est toujours là jusqu'à minuit. Donc, c'était mon petit big up pour Bang Bang du MKS, le Mekong Soul. Donc, le collectif de rappeurs d'Asie du Sud-Est, on va dire. Donc, c'est le 9-3 Viltaneuse. Je suis désolé, on a eu un petit souci avec le câble jack. Ça sortait un peu n'importe comment. Mais pour ceux qui veulent retrouver le son et bouger dessus et envoyer les vidéos et tout ça, vous allez sur YouTube, vous tapez Bang Bang. C'est assez simple. B-E-N-G. Nakleng. N-A-K-L-E-N-G. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, eh ben vous allez demander à des Laos ou des Cambodgiens, tout ça. Je crois que c'est plus avec des Laos que vous pourrez voir. Voilà. Et big up à Bolo, en gros passant. Big up à Bolo. Gros big up au frérot. Yes. On est dans la chronique à Jojo, jusqu'à minuit. Sélection de sons français et Kenry. Donc, où est-ce qu'on en était? Bah, gros big up au frérot. Bang, bang. Toujours solide, toujours lourd. Et là, on va enchaîner par le frérot Limsa Dolnay. Yes. Le frérot Limsa, gros big up à lui, gros big up à tous les frérots Dolnay sous bras. Et on va enchaîner par le morceau Lolita. Moi, Limsa, c'est un mec que j'apprécie vraiment, car il est vraiment, vraiment ultra fort dans ce qu'il fait. Il a une façon d'écrire différente des autres. Et je lui passe un gros big up à lui, Limsa, que vous pourrez... Allez, je lâche une exclu, j'y vais. Limsa, vous le retrouverez sur mon projet solo. Donc, gros big up à lui. Exclusive. Exclusivité. Yeah. Donc, gros big up au frérot Limsa d'Aulnay-sous-Bois avec le morceau Lolita. Aïe. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Hey. Limsa c'est le meilleur, je les entends chuchoter. J'ai rappé devant le miroir, voilà je me suis choqué. No homo, ton rappeur préféré, crois-moi je m'y suis frotté. J'ai rappé juste un 4, les senti suffoquer. Un sursaut, son rap de puceau est surcoté. Au dojo, on me valide pour mon taf, pas mes vues, pas grâce au peu de joie que j'ai pu stocker. Oh ok, les hommes politiques mentent entre eux pour se couvrir et s'en battre les yokous des problèmes de richesse. 2016, dans certains quartiers pour se nourrir, les enfants volent comme dans les poèmes de Michel. On est sous ses biens zins, Jacques des loups, des chiens gains. Parler de tout et derrière, rien, sans collier ni chaîne. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, t'es déjà touché un flingue, j'en ai touché 25. J'aime pas polémiquer, amour et haine en colocation. Même si tu fais du chant que t'es mimi, j'ai assez de futurs putes dans mes potos garçons. Pour que je m'en rajoute de la jante féminine. Nathan, j'ai le jour où je me suis mis au champ. Genre de parler de rap sans me définir comme Aladdin ou Marc machin. Innocent mais pas niveau, sans chaque erreur entraîne une grande récidive. Deux jours de nuit, les keufs patrouilleux. Quand c'est type en quoi dit soit en quatrouillé. Salive au coin de la bouche, les anciens bafouilleux. Ils boivent du rhum plus d'eau, ça les empêche pas de rouiller. John et non, Don et Nord. Écoute quand sonnent les notes, pas ceux qui portent des robes comme des nonnes. 44 brouillants, c'est pas le maillot qui finissent par mouiller. ASB. Ok mec. Force à ceux qui négligent, force à ceux qui négligent. Force à ceux qui négligent, force à ceux qui négligent. Force à ceux qui négligent, force à ceux qui négligent. On arrache, on arrache, on arrache, on arrache, on arrache, on arrache, on arrache. Poto, j'ai la flemme de me lever à 9h30. Pas ma faute, c'est de mon parent, y'a coupé les années 2000. Force à ceux qui négligent, force à ceux qui négligent. On arrache, on arrache, on arrache, on arrache, on arrache, hey. On arrache, on arrache. Je m'excuse si j'ai blessé des proches. Je revois le sourire de ma mère quand le conseil des profs lui dit que je fais des efforts. Mais ça n'arrive jamais donc sombrer le décor. On essaie à résident des villes. Chaque fois que je sors dehors c'est une partie online. Des zombies, des zombies, des zombies. Bien avant de faire de la scène dans nos vies, gros sac ça partait en live. Dire qu'il nie. Tout faire pour que la liberté diminue. C'est pas difficile à la plage. Vu d'ici je préfère une femme en birkini que voir une jeune birkini nue. Quelle toupée sa mère. Quelle toupée de pas nous écouter. C'est le bouquet dégoûté de l'état barbare. Ça étouffait Adama à la base. Puis ça étouffait l'affaire. Tellement de featuring sont indécents. Grand poète au poteau rappé mal c'est indéfendable. Dojo F le fait toujours en indépendant. Dans l'équipe tu me reconnais je suis indépendant. Y'a des ouins j'entassais des poumons encrassés. J'discute de mon issue pour tourner dans le passé. Sur le bitume c'est dead la mort je lis sur ses lèvres. J'crois que j'vais bientôt l'embrasser. Force à ceux qui négligent, force à ceux qui négligent. Force à ceux qui négligent, force à ceux qui négligent. Force à ceux qui négligent, force à ceux qui négligent. On arrache, on arrache, on arrache, on arrache, on arrache, on arrache, on arrache. Poto j'ai la flemme de me lever à 9h30. La 25e. Faut-il de mon parent, y'a coupé les années 2000. Tous les jeudis. Force à ceux qui négligent, force à ceux qui négligent. Radio Sud 101.8. On arrache, on arrache, on arrache, on arrache. La chronique de Jojo, tous les deuxièmes jeudis du mois, 22h minuit. 101.8 radiosud.net, big up. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radiosud.net. 101.8. Bah, c'était bien lourd, ça aussi. Cette grosse puissance, gros big up au frère Limsa d'Aulnay. Yes. Aïe, de la patate compressée, de la pure, frère. Ah, ouais. Ah, c'était lourd, c'était lourd. Si, si, si, si. Donc voilà, ce soir, je sais qu'il y a des gens qui m'ont réclamé, Jojo, à quand les débats? À quand les débats? Je sais, non mais... Parce qu'on rigole tout ça, mais sur tous les trucs, hein, pour la première saison, sur la première saison, il y a plein de gens, c'est vrai, qui ont apprécié... Les bails des débats, qu'on discute de divers trucs, tout ça. Yes. Les frères, vous inquiétez pas. On pourra en refaire. Je me suis calmé, je suis pas dans les... On n'est plus dans les trucs, on avance. On essaie de devenir professionnel à la radio. Donc, on évite un maximum de faire des débats. Normal. Mais par exemple, on les assume, il n'y a pas de problème. Normal. Mais on va essayer un petit peu de véhiculer autre chose pour tous les gens qui écoutent, tous les gens qui sont derrière. Gros big up aux gens à qui ça fait plaisir d'avoir passé les sons. Encore gros big up à la petite Sarah et à son daron, Reno. Gros big up à vous, la famille. On sait, l'équipe Beefmaker, Nasme, Dem. Et aïe, aïe, aïe, comme dirait mon frère Onasme. Yes. On va enchaîner tranquillement par un book de chez nous qui fait du, pour moi, qui fait du taf sale, qui taf bien et qui taf sale. C'est le frère Onas Pacino. Nas Pacino. Qui nous a sorti un son qu'on avait déjà passé dans l'émission La 25e, mais que j'affectionne et que j'aime beaucoup. Donc on va enchaîner par le frère Onas Pacino avec Trap Rockstar. Petit son qu'on aime beaucoup. Yes. Et gros big up à lui, gros big up à Nas. Ok, c'est parti. La 25e jusqu'à minuit, tu peux monter le son. Radio La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Crac Radio Sud.net. 101.8. Je sais comment je perds mon pote. Plein dans le zone 6, mon pote. J'suis sous super skunk avec ma taille. On est passé de la méga drive à faire des drive-by. Sous cette dôme, j'suis die, je fly in the sky. J'fais affoler les stats, toi t'es là, tu stun. J'étais nul en mode, mais j'sais compter les racks. J'fuck the world, genre j'suis ultra rockstar. Je suis une rap star. Je te raconte ma life, un putain de mélodrame. Difficile guérir, je suis un mélomane. Ça vend la poudre au gamme, consumer mon âme. Je veux pas perdre dans les flammes, tu vois le pléonasme. Je suis arrivé dans Paris, ils ont remis leur masque. Ils voudraient qu'on rafale, voilà leur vraie face. Frérot, c'est normal, il me faut gilet par balle. Je les nettoie, puis pour des barrages. Tu me remplis pas mon temps, t'es pas la morale. Je fais attention aux femmes, je connais toute leur femme. Maman me dit, fais ton taf, elle a tout fait pour moi. Je veux juste rentrer à la Honda avant que je parte. Je suis sous super skunk avec mes racailles. On est passé de la méga drive à faire des drive-by. Sous ces dos, je die, je fly in the sky. J'fais affoler les stats, toi t'es là, tu stagnes. J'étais nul en maths, mais j'ai compté les racks. J'fuck the world, genre j'suis ultra rockstar. J'fuck the world, genre j'suis ultra rockstar. J'fuck the world, genre j'suis ultra rockstar. J'passe dans ma pierre tombale, j'ai maîtrisé mon art. Trafiqué sa mort comme pas crée, tu sais, j'me barre. J'voyage sur un nuage et les cosmos en bas. Je suis dans l'espace, parle avec les stars. Je suis vraiment démoniaque, le potentiel trop large. Il n'est jamais trop tard, je vise les trois points comme Mars. Je sous-estime cette as, elle va te peser ta sien. Sais qu'ils me détestent, non, moi sur je flexible. Ceux qui veulent test ne peuvent faire God bless me. God bless me, yeah. God bless me, yeah. Je suis sous super skunk avec ma taille, yeah. C'est de la méga drive à faire des drive-by. Sous cette dope, je die, je fly in the sky. J'fais affoler les stats, toi t'es là, tu stagnes. J'étais nul en maths, mais j'ai compté les racks. J'fuck the world, genre j'suis ultra rockstar. La 25e jusqu'à minuit, c'était Nas Pacino. Dans la chronique à Jojo. Radio La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Crac Radio Sud.net. 101.8. La 25e, on est là. Toujours jusqu'à minuit, tous les jeudis soirs depuis février. On est là, on a rien loupé. Assidu au boulot. Assidu comme en gros, jamais. Encore un gros big up au frérot Nas Pacino. Le son, c'est une tuerie, mon ref. Tu sais très bien. Yes, d'ailleurs, regarde ton snap. Je t'ai envoyé un snap, poto. Si tu nous écoutes. Yes. Et au passage, je voulais faire un petit big up à Jounès. Parce que Jounès. Il n'est pas là ce soir. Il n'est pas là ce soir, mais il m'a dit qu'il était à l'écoute. Donc si tu nous écoutes, on a un petit. Je crois que Rizzo a un message à te faire passer. J'ai un message pour toi, mon ref, parce que tu sais que je t'apprécie. Tu fais partie. Pour moi, tu fais partie. T'es comme quelqu'un de ma famille. T'es vraiment proche, tout ça. Donc tu peux bien aller te faire enculer. Voilà, ça c'était. Ça voilà, c'était un message d'amour, ça sortait du cœur. Et moi personnellement, tu sais quoi, je vais penser très fort. Voilà, je vais penser très fort. Et là, tu sais de quoi j'ai. On mettra des hashtags avec des hashtags, des étoiles, des trucs divers pour camoufler le bail, tout ça. Non, gros big up aux frères Jounès et Théo qui sont pas là ce soir. On pense à vous les refs. Gros big up à vous. On parle pas. Mais on sait que vous êtes dans un gros bail et on est là, on vous suit dans votre voyage. Gros big up à vous les refs. Yes, donc c'est la chronique de Jojo ce soir, comme tous les deuxièmes jeudis du mois pour les auditeurs qui nous rejoignent. Tous les deuxièmes jeudis du mois, Jojo alias Rizzo vient nous faire sa petite chronique. L'année dernière, il avait une trentaine de minutes. Mais cette année, on a décidé de lui laisser l'émission totalement pour lui. L'erreur fatale, mais on assume nos erreurs et on apprend de nos erreurs. Donc la 25e, c'est Chao, on est là, Radio Sud, 101.8, radiosud.net, la chronique de Jojo. L'erreur fatale, tu peux éteindre ton ordinateur. Donc il est 22h56 exactement, il nous reste une heure de son. Une bonne heure tranquillement qu'on va vous passer tranquillement. Alors, big up à tous ceux qui écoutent, je le répète jamais assez, ça fait trois fois que je le dis, mais merci beaucoup parce qu'il y a plein de radios en France qui passent de la musique et merci à tous ceux qui sont derrière Radio Sud Besançon 101.8, l'émission La 25e. Pour ceux qui ne sont pas de Besançon, on le répète jamais assez, vous pouvez nous retrouver sur radiosud.net. Sur internet afin de pouvoir écouter l'émission. Merci aux frères qui sont toujours là pour soutenir, qui écoutent derrière, qui après derrière font des retours. Comme on a dit, on le répète jamais assez, on n'est pas des pros, mais je pense qu'on fait kiffer. Et gros big up à vous. Nous allons enchaîner maintenant par un son un petit peu plus sombre. C'est le son Loukoum feat Barsoko, un point c'est tout. Gros big up par Soko mon zincou, gros big up à toi mon zinc, et gros big up aussi à Loukoum qui sort le truc. Entre parenthèses, j'aimerais passer vraiment un gros big up à mon zincou Marcus qui est en rémission là. Mon zincou, on pense à toi, on t'aime, Marcus. T'inquiète pas, remets-toi bien mon zincou, t'inquiète pas de rien, c'est rien, remets-toi juste bien, tranquillement à la maison. On t'embrasse mon frère, on t'aime tous et prends bien soin de toi mon zincou. Donc là on va enchaîner tout de suite par Loukoum feat Barsoko, un point c'est tout. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Fais pas la morale, on va pas dans le bon sens. Pas de cuillère en argent, ça a été la merde dans mon enfance. J'ai une mentale, je chie pas où je viens manger. C'est pour ça, tu me verras pas trop traîner dans mon quartier. J'ai autre chose à foutre que d'être au square toute la journée. Le rap c'est plein de faux culs, il faut bien s'en rappeler. Arrête de roupiller, à écouter tes sons à 3 roupies. On est rempli à voir ce qui se passe chez nous la nuit. Pourquoi on en est là, y'a pas de rêve européen. Dans l'Orpera, la plupart des gars s'en battent les reins. Si voter changerait les choses, il aurait interdit. Les politiques sont potes, ils sont issus de la même académie. Ils jouent avec nos vies, c'est une partie de Monopoly. Ils ont le monopole, et nous on se ruine pour leur connerie. Je me ronge les ongles, j'ai jamais vu la couleur du rubis. On marche comme des robots, comme à l'époque des colonies. Je veux pas que mes vieux jours ressemblent à ces derniers en fin de mois. Une s'attarderont pas sur mon cas. Pour du cash, on se plie en quatre et ils disparaissent sous une cape. Y'a quand je me glisse dans les draps de ma femme que je tente pas le bleu. Si mon âme aurait des bordants, j'en donnerais une part aux anges. Que Dieu m'en soit témoin et que mes ennemis se penchent. J'enfile pas de souliers de satin le soir. Moi je me contente d'une paire de claquettes pour faire mes courses en bas. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi ce qui te fait flipper. J'ai jamais